Chapitre 3 Tourcoing. L'arrestation de Claire et son mari Hubert était prévue par Kurt Kohls et ses hommes le mercredi 12 mars 1941 au petit matin. Ce vendredi 7 mars, Justine avait à peine quelques jours pour les prévenir. Elle devait trouver au plus vite un prétexte pour se rendre chez eux à Tourcoing sans éveiller le moindre soupçon de la part de son entourage. Le soir même, elle trouva un stratagème et raconta à ses parents qu'elle était invitée dès le lendemain pour fêter l'anniversaire de sa très chère collègue, Marie Gérard, qu'elle dénommait la souris grise. Elle avait honte de leur mentir avant chaque mission, mais c'était pour la bonne cause. Ce samedi 8 mars 1941, Justine prépara un faux cadeau composé d'une minuscule trousse de maquillage qui lui appartenait, l'emballa sommairement dans un papier journal et enfila sa plus belle robe afin que sa mère n'y voie que du feu. Elle prit le tramway à la gare de Lille et vérifia si elle n'était pas suivie et surveillée par les agents de l'Abwehr ou de son propre service. Il y avait peu de monde dans la rame qui traversait lentement les grands boulevards bordés de platanes centenaires, mais malgré cela, Justine était tout de même aux aguets et méfiante. N'importe qui dans le Montgy pouvait être un agent de renseignement au service des Allemands, déguisé en badaud, en petite vieille faisant ses courses, en poinçonneur ou tout simplement en chauffeur. Elle avait le nez collé à la vitre embuée qui était violemment fouettée par les giboulées de mars. Transie de froid, Justine s'était blottie au fond du tram. À chaque arrêt, elle ressentait une angoisse à l'idée de voir monter soudainement des contrôleurs accompagnés d'agents de la Gestapo. Le moindre déplacement dans des villes frontalières comme Tourcoing devait être justifié par une sorte d'attestation appelée Ausweis. En effet, la région était considérée comme zone interdite ou zone réservée, rattachée directement au commandement militaire de Bruxelles. Sans cette attestation, c'était une arrestation sur le champ qui pouvait se terminer sous les coups de cravache dans le bureau de Kurt Kohls, son propre patron. Justine prenait des risques insensés et elle en avait bien conscience. Pourquoi faisait-elle tout cela au risque de perdre la vie? Pourquoi s'était-elle très tôt engagée dans la résistance? Dans l'insouciance de son jeune âge, elle n'avait certainement pas toutes les réponses à ses questions. Une seule chose dont elle était sûre, c'est qu'elle ne voyait pas son avenir sous le joug d'une dictature nazie. Cette idée lui était insupportable, elle qui était éprise de liberté. Elle s'était donc lancée tête baissée dans des missions que lui dictait au quotidien Marie-Madeleine Méric, la chef de réseau du groupe de résistants Alliance qui l'avait recrutée. Après une demi-heure de voyage, elle arriva à la grande place de Tourcoing, descendit et fit une centaine de mètres le long des arcades d'un grand bâtiment de style art déco, passa la porte principale avant de déboucher sur l'esplanade de la gare. Devant celle-ci se trouvait l'imposante et superbe maison bourgeoise de sa cousine Claire, qui, avec son mari Hubert, louait cette confortable demeure à la famille Tibergien, de grands patrons de l'industrie textile. Sous les trombes d'eau des incessantes averses qui s'abattaient sur la ville, Justine s'approcha de l'habitation, souleva son parapluie et se retourna tout en scrutant discrètement la place qui était déserte. Seul, un marchand de journaux dans son kiosque était abrité, fumant sa pipe tout en attendant désespérément un hypothétique client. Justine actionna le heurtoir en bronze à tête de lion de l'imposante porte de chêne et attendit quelques secondes. Celle-ci s'ouvrit, et à sa grande stupéfaction, elle vit apparaître un jeune garçon d'une dizaine d'années, aux cheveux blonds, affublé d'un polo rayé et d'un short de toile bleu marine. D'un ton calme et avec une grande solennité, tel un prétentieux majordome, il demanda à Justine « Bonjour, mademoiselle, qui dois-je annoncer ?» Justine ne put s'empêcher de rire devant cet enfant qui jouait une sorte de comédie et s'imaginait certainement être un personnage digne d'une pièce de théâtre. « Bonjour, jeune homme. Je suis Justine, la cousine de ta maman. Je suppose que tu es Louis. »« Oui, c'est bien moi. Mais comment connaissez-vous mon prénom ?»« Comme tu as grandi. Je ne t'aurais jamais reconnu, mon petit Louis. »« Vous me connaissez, mademoiselle ?»« Oui, tu es le fils de Claire, que je n'ai pas vu depuis des années. »« Et toi, je t'ai pris dans mes bras plus d'une fois, en particulier à ta naissance. »« Attendez là, je vais la chercher. » Quelques minutes plus tard, une splendide et élégante jeune femme habillée en salopette de jardinière se présenta à la porte. Il s'agissait de Claire Delbar. Claire. Oh, bonjour, chère cousine. Comment vas-tu, ma chère et tendre Justine ? Très bien, Claire. J'ai été accueillie par ton charmant petit garçon. C'est un ange. Il est très poli, bien élevé, et a l'air d'une grande finesse d'esprit et d'une intelligence remarquable, comme sa maman. Merci pour ces compliments relatifs à mon fils, chère cousine. Mais ne te fie pas aux apparences. Louis est un sacré galopin. Je l'ai souvent à l'œil, car c'est un malicieux farceur. Oui, tout comme son père. Entre, chère Justine. Tu peux laisser tes affaires et ton parapluie à l'entrée. Installe-toi au salon, tu connais la maison. Mais au fait, que me vaut l'honneur de ta visite ? Justine eut un moment de réflexion avant de répondre. Sa triste mine était à l'image de la gravité de la situation. « J'ai besoin de vous parler, toi et Hubert. C'est extrêmement important et urgent. » Hubert est à la salle de bain. Il finit de faire sa toilette. Je vais le chercher tout de suite. » Quelques instants après, Hubert Delbar descendit l'immense escalier de marbre dominé par un splendide vitrail représentant des fleurs de lys. Hubert. « Ma chère Justine, quelle belle surprise ! Il y a tant d'années que nous ne nous sommes pas vus !» Hubert, affublé d'un peignoir en satin, s'installa dans son Chesterfield de cuir noir, alluma un cigare et demanda à Justine. « À la vue de l'expression de votre visage, chère cousine, je suppose que vous venez nous voir pour nous annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a eu un décès dans la famille ?»« Non, personne n'est décédé, cher Hubert. »« Ah, cela me rassure. » Alors, de quoi s'agit-il ? Vous avez des problèmes personnels ? En quoi pouvons-nous vous aider ? Moi, je n'ai pas de problème, cher Hubert, mais je pense que vous risquez d'en avoir dans peu de temps. Les visages radieux et souriants de Claire et Hubert Delbar changèrent d'expression. Claire, d'une voix angoissée et tremblotante, reprit la parole. « Nous risquons d'avoir des problèmes ? Que veux-tu dire, Justine ?» Justine expliqua la situation et leur demanda expressément de se préparer à fuir au plus vite, avant le mercredi 12 mars, pour ne pas se faire arrêter par les agents de la Gestapo aux ordres de Kurt Kohls. Claire et Hubert se regardèrent, et sans étonnement et réaction, que leur heure était bel et bien venue. Ils savaient qu'à l'instar de Justine, leur appartenance à un réseau de partisans les aurait, un jour ou l'autre, menés à une issue fatale, ou des plus dramatiques. Ils connaissaient d'avance le sort qui leur était réservé en cas de trahison, et le jour de cette funeste nouvelle était bien ce samedi 8 mars 1941. Jamais ils n'auraient cru une seule seconde être prévenus de leur prochaine arrestation par leur cousine Justine. Sans sa présence au cœur des bureaux de la Gestapo et l'ouverture d'un simple dossier, ils n'auraient jamais eu la chance de pouvoir prendre les devants et d'envisager une éventuelle fuite. Ils devaient absolument réagir le plus vite possible, tout en gardant leur sang-froid face à cette nouvelle. Claire, nous tenons vivement à te remercier de nous avoir prévenus, chère Justine, et cela en prenant des risques insensés au péril de ta vie. Durant toute notre existence, nous te serons redevables pour ce geste héroïque. Hubert et Claire se levèrent et prirent Justine dans leurs bras, l'étreignant fortement. Justine. Oui. Nous servons la même cause des plus justes, et c'est en lisant cet ordre d'arrestation que j'ai appris le nom de votre réseau que je ne connaissais pas. Qu'allez-vous faire maintenant ? Vous avez peu de temps pour réagir, et vous devez prendre une décision au plus vite. En quoi puis-je vous aider ? Claire, mais Justine, tu viens déjà de nous aider en nous informant sur les intentions de la Gestapo. Maintenant, rentre chez toi. Tu prends des risques inutiles. Avec Hubert, on se débrouillera. On connaît beaucoup de monde autour de nous qui peuvent nous cacher durant des mois, voire des années. Hubert. Oui, tout à fait. La seule chose qui me chagrine, ce sont mes patients que je soigne et reçois quotidiennement en consultation. Ils vont penser que je les ai soudainement abandonnés. Mais je pense que pour la plupart ils comprendront ou penseront que j'ai pris les chemins de l'exode en zone libre. D'autres vont croire que je me suis fait arrêter comme cela est prévu dans les plans machiavéliques de Kurt Kohls. Nerveusement et d'un geste violent, Hubert écrasa le reste de son cigare au fond d'un cendrier de cristal baccarat, comme s'il s'agissait du visage du chef de la Gestapo. Claire, tu as pensé à notre fils, Louis ? Ils ont certainement l'intention de l'emmener. De nos jours, même les enfants sont enlevés à leurs parents. Hubert, nous ne pouvons pas faire prendre des risques à notre fils adoré, et je pense qu'il ne faut pas l'embarquer dans notre fuite. C'est trop risqué pour lui. Claire se mit à sangloter. Je ne partirai jamais sans mon fils. Tu as bien entendu, Hubert. Jamais sans mon fils Louis. Plutôt mourir que d'accepter de nous séparer. » Hubert savait que Claire parlait sous le coup des émotions et que le lendemain, la raison allait certainement infléchir cette décision prise dans l'emportement et la colère. Justine les quitta en leur souhaitant bon courage et surtout bonne chance dans leur exil forcé. Elle reprit discrètement le tramway vers l'île et retrouva sa famille qui, le soir même, était réunie autour d'une grosse marmite de Waterzooi de poulet au rutabaga. Son frère, Michel, avait déjà rejoint son poste de nuit, les mains dans le cambouis, à réparer les locomotives de la gare de Lille. À Tourcoing, chez les Delbar, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Tard dans la soirée, après quelques heures de discussion, Hubert et Claire prirent la décision de faire au plus vite leurs valises afin de fuir dès le lendemain en zone libre, par leur réseau clandestin d'expatriation dénommé Comet, qui évacuait principalement des aviateurs anglais vers le sud de la France, via Marseille, à destination de Gibraltar. La décision la plus dure fut de ne pas emmener leur fils, Louis, dans cette expédition périlleuse, dont ils ne connaissaient pas l'issue. Ils avaient l'intention de le protéger en le confiant à Madame Delpierre, une charmante voisine qui appartenait également à leur réseau de résistance dénommé Ali France. Claire ressentait en elle un profond sentiment de culpabilité à l'idée de devoir abandonner ce qu'elle avait de plus cher dans sa vie, son fils Louis. À contre-cœur, elle avait tout de même décidé de le confier à la voisine afin de le cacher grâce à son réseau de partisans répartis sur la région lilloise et par-delà les frontières en Belgique. Avec le réseau de résistance Ali France, dirigé par les services de sûreté de l'État belge exilés à Londres et composé essentiellement de Français habitant le nord de la France, Claire et Hubert Delbar avaient l'assurance de pouvoir parcourir un itinéraire bien rodé, qui permettait de transférer des personnes recherchées par les autorités allemandes. La nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars 1941 fut courte pour le couple Delbar, qui avaient préparé leurs valises dans la précipitation. Sans faire de bruit, vers 3 heures du matin, ils déjeunèrent rapidement avant de rejoindre tout doucement la chambre de Louis, qui dormait profondément. Claire sanglotait à l'idée d'abandonner son fils et de le livrer à son nouveau destin totalement incertain. Elle ne put s'empêcher de lui faire délicatement un dernier baiser sur le front sans que celui-ci ne se réveille. Les Delbar ne savaient pas si c'était la dernière fois qu'ils le voyaient, mais ils s'étaient préparés à cette éventualité. Ils avaient tout de même l'espoir de le retrouver un jour, même s'ils éprouvaient une profonde tristesse à l'idée de ne pas le voir grandir auprès d'eux dans un climat de sérénité et en toute sécurité. Ils avaient pleinement confiance en Madame Delpierre, qui le protégerait et le mettrait rapidement en sécurité en le confiant aux sœurs Clarisse de Roubaix, des religieuses particulièrement engagées dans le syndicalisme chrétien et la résistance. Avant leur départ, ils avaient laissé 2 lettres à Madame Delpierre, à l'attention de M. Thiberghien, le propriétaire de leur maison en location, afin de rompre le bail. Une autre destinée à leur fils Louis, qui par des mots simples, chargés d'émotions et de tendresse, lui expliquait la cause de leur départ, et surtout les raisons de son placement auprès de Madame Delpierre. À la fin de ce courrier, Claire et Hubert lui promettaient de le revoir assurément après la guerre, tout en ayant pleinement confiance en lui et en ses capacités à surmonter les épreuves qui l'attendaient. Vers 3h30 du matin, ils quittèrent silencieusement leur maison, afin de ne pas réveiller Louis qui, en début de matinée, se rendrait compte assez vite de leur absence. À son réveil, Madame Delpierre avait prévu de le rejoindre pour lui expliquer la situation des plus dramatiques. Les Delbar longèrent discrètement les murs de la place de la gare de Tourcoing afin de rejoindre une estafette de Marc Renault qui devait les conduire au Café l'Univers sur la Grand Place de Roubaix. C'était l'état-major du groupe de résistants Ali France, composé de Joseph Dubas, dit Jean de Roubaix, son fondateur, de la téméraire Jeanne Huyghe, en provenance de Vatrelo, de Marcel Delcroix et de Paul Joly, dit Caviar. C'est Jeanne Huyghe qui habituellement était chargée de convoyer les fugitifs vers le sud, mais cette fois-ci, le couple Delbar allait être caché dans un convoi funéraire en partance pour Paris, sous 2 cercueils, afin de ne pas éveiller les soupçons des brigades de contrôle allemandes. Bien souvent, les corbillards n'étaient pas fouillés, par respect pour les défunts, et quelquefois les caveaux vides des cimetières servaient également de cache d'armes pour la résistance. C'est donc Marcel Delcroix et Paul Joly qui jouèrent les employés des pompes funèbres. Avec l'aide d'une société funéraire de Vatrelot et de quelques complices, ils avaient réussi à se fournir un laissez-passer officiel appelé Hausweis afin de convoyer ces deux cercueils vides vers Paris pour une future mise en bière totalement fictive. Ils arrivèrent à Clignancourt vers 10 heures du matin et transférèrent discrètement Claire et Hubert Delbas chez Gabrielle Picabia, appelée également Madame Pic ou la Dame de Pic. Le lendemain, elle était censée les conduire à Chalon-sur-Saône en passant la ligne de démarcation afin qu'ils puissent rejoindre leur destination finale en zone libre, à savoir un hameau appelé le Rac, dans la Drôme provençale, à proximité de Châteauneuf-du-Rhône, où ils vivraient et se cacheraient un certain temps avant de rejoindre en Avignon une péniche descendant le fleuve à destination de Port-Saint-Louis-du-Rhône, puis Marseille. Le dimanche 9 mars, vers 10h30, le petit Louis se réveilla et chercha désespérément ses parents dans toute la maison. Soudainement, il fut pris de panique. Angoissé de ne pas les voir, il cria et se mit à sangloter. Madame Delpierre entendit à travers les murs les hurlements du jeune garçon et ouvrit tout de suite la porte avec les clés que lui avaient confiées Claire et Hubert. Sans attendre une minute, elle prit Louis dans ses bras afin de le rassurer. Le jeune garçon se débattait de colère. « Madame Delpierre, viens ici, Louis, que je t'explique la situation. Je te rassure tout de suite, tes parents n'ont pas été arrêtés ni tués, mais ils ont dû fuir. Tu dois absolument garder le silence si tu veux qu'ils restent en vie. Ils sont recherchés par de méchants Allemands qui leur veulent du mal et qui vont bientôt venir fouiller la maison. Toi aussi, je dois te cacher. Ils n'ont pas pu t'emmener avec eux dans leur fuite car c'était trop risqué. Ils t'ont tout simplement laissé un courrier pour t'expliquer comment tu dois agir, obéir à leurs recommandations et suivre mes instructions. Maintenant, je serai en quelque sorte ta marraine. Je m'occuperai de toi en leur absence. Mais je te rassure, ils reviendront très vite, ils me l'ont promis. C'est juste une question de semaine. » En une phrase rapide, avec peu de tact et beaucoup d'indélicatesse, Madame Delpierre avait tout dit. Écrasée par tant d'informations sur un laps de temps si court, le jeune Louis était resté quoi ? Traumatisé et dans un mutisme profond, ne sachant plus comment réagir. Allongé sur le lit de sa chambre, il prit le temps de lire les quelques lignes que sa mère lui avait écrites et fut plutôt rassuré. Sereinement, il redescendit et prit affectueusement la main de Lucienne Delpierre qui le conduisit vers son nouveau foyer d'accueil où il serait hébergé pour un laps de temps incertain. Elle lui offrit un bon bol de lait au miel et quelques gaufres à la cassonade pour mieux le rassurer. Louis avait enfin compris qu'il ne pouvait plus rester là. Le mercredi 12 mars 1941, vers 5h20 du matin, deux tractions avant noires de marque Citroën arrivèrent en trombe devant l'imposante maison de Claire et Hubert Delbas, située avenue Lafayette, donnant sur la place de la gare de Tourcoing. 5 hommes, lourdement armés, purent s'en extraire, gravir les quelques marches du porche, tout en défonçant le portail de fer forgé avec leurs bottes, et frappèrent violemment à la porte principale. Kurt Kohls et ses agents de la Gestapo venaient procéder à l'arrestation du couple Delbas et de leur jeune fils. Après quelques minutes à attendre, sans aucune réponse ou réaction, ils décidèrent de la forcer au pied de biche. Ils se mirent à explorer le rez-de-chaussée et remarquèrent l'odeur de café chaud qui provenait de la cuisine. Puis ils fouillèrent les étages et se précipitèrent dans la chambre principale des parents. Ils ouvrirent la garde-robe et virent qu'elle avait été vidée de son contenu. C'était pour eux le signe d'une préméditation à leur départ qu'ils avaient consciencieusement préparée. Les Delbas avaient donc été prévenus de leur prochaine arrestation par quelqu'un de leur entourage. Qui pouvait connaître la date et l'heure de cette action de la Gestapo, mis à part les secrétaires et les agents de la ZIPO-SD ? Kurt Kohls s'était fou de rage à l'idée d'avoir raté de peu le couple Delbas, ses résistants certainement les plus recherchés dans la région.